L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. 11e édition du Salon du Livre de Saint-Nicolas-de-Port. Ce sera le dimanche 2 février, bien sûr, à la salle des fêtes Avenue Jolin. Catherine Froment-Chéry, bonjour. Bonjour. Cette 11e édition, elle est attendue aussi bien du public que des exposants? Oui, tout à fait, puisque cette année encore, on a refusé ou mis en attente deux bonnes dizaines d'auteurs et d'éditeurs qui se sont manifestés un petit peu tard, mais qui étaient intéressés également pour participer. Donc ils sont quoi, plus d'une soixantaine cette année? Oui, ils sont presque 70 participants, ce qui représente entre 350 et 400 ouvrages qui seront présentés le jour du salon. Avec une thématique particulière quand il y a un salon comme ça, ou pas forcément? Pas forcément, c'est un salon généraliste, donc les visiteurs pourront retrouver aussi bien du livre jeunesse que du livre adulte, de la fiction, du roman, mais aussi du documentaire historique, de la poésie, c'est vraiment très varié. Donc ce sera de 10h à 18h. À chaque fois, vous mettez en avant un ou une auteure. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui vient exprès de Bretagne? Oui, c'est Caroline Lerin qui est l'auteure d'une série de romans policiers qui se passent dans le monde maritime, voire même certains tomes sont des huis clos en mer. Elle n'est pas forcément, j'avoue, très connue en Lorraine, mais elle est beaucoup plus connue dans l'ouest de la France. Et elle nous fait le plaisir de se déplacer spécialement de la pointe bretonne de Penmarche pour venir à Saint-Nicolas-de-Port. Et comment s'est fait ce choix alors? Comment s'est fait cette rencontre? Un peu par le bouche à oreille, plusieurs amoureux de la Bretagne à la MJC, dans les bénévoles et professionnels, avaient déjà repéré ses livres. Et le hasard a fait qu'elle avait une amie qui habitait pas très loin de la MJC, qui avait elle-même une amie bénévole à la MJC. Et un jour, ces personnes sont arrivées avec ses romans dans mon bureau en me disant « on voudrait faire découvrir quelqu'un ». Et voilà, c'est comme ça que s'est créé le lien. Invitée d'honneur, donc Caroline Lerin. Donc lors de cette journée de 10h à 18h, des rencontres forcément toujours très enrichissantes avec des auteurs, mais aussi des éditeurs qui seront présents, des associations locales aussi? Oui, exactement. Comme tous les ans, on a de la chance sur Saint-Nicolas et alentour, sur Varangéville, la Madeleine, la Neuville, d'avoir pas mal d'associations qui portent l'histoire et la mémoire du territoire et qui produisent des livres historiques et scientifiques qui les présenteront. Je pense à Connaissance et Renaissance de la Basilique, à Mémoire de la Neuville, la Madeleine, aux Amis d'Émile Badel, donc voilà, qui arrivent avec leur toute dernière publication scientifique. Cette 11e édition du Salon du Livre de Saint-Nicolas-de-Port est marquée par une nouveauté. Il y aura un prix cette année, le premier prix Marie-Antoinette Lix. Pouvez-vous en dire quelques mots? Oui, c'est un projet qui était dans les cartons depuis un moment à la MJC et qu'on a arrivé à concrétiser l'année dernière. Donc Marie-Antoinette Lix, c'est une combattante, mais en même temps une auteure de la fin du 19e qui s'est déguisée en homme pour combattre à la guerre de 70. Et puis, à la fin de sa vie, a été autant l'auteur de livres patriotiques de fiction que d'une autobiographie. Et elle est décédée et inhumée à Saint-Nicolas-de-Port. Et donc, on avait à souhait de rappeler sa mémoire pour ce prix littéraire qui récompense une œuvre de fiction qui met en valeur le patrimoine de la région. Donc la région, on l'a entendu au sens large et administratif, donc la région Grand Est, donc ça est aussi bien l'Alsace que l'ancienne Champagne-Ardenne. Et donc on a lancé ce prix l'année dernière, on a vu 18 auteurs candidater, nous déposer leurs ouvrages. On a un jury d'une dizaine de personnes qui ont lu tous ces ouvrages, qui ont siégé plusieurs fois, et que l'annonce du prix sera faite donc le jour du salon, dimanche 2 février à midi à la salle des fêtes de Saint-Nicolas-de-Port. Voilà, le suspense est entier, donc il faudra être là le dimanche 2 février pour avoir la réponse. Donc vous l'avez dit, hein, c'est aussi bien pour des adultes que pour des enfants, ce roman qui sera primé. Les enfants qui ont aussi bien sûr leur place hein, lors d'un salon du livre, parfois on peut se dire que non, c'est pas forcément pour eux, mais si au contraire. Oui, oui, alors il y a de toute façon des auteurs, des éditeurs qui leur sont destinés. On a un espace animation qui sera ouvert toute la journée de 10h à 18h. On va leur proposer différentes activités, de créer des petits personnages qu'ils connaissent bien en pop-up. Alors du coup, recevant Caroline Lerin en invitée d'honneur, ce sera un espace animation tourné vers la mer et les personnages de la mer et la littérature. Et puis des rendez-vous plus spécifiques, à 11h, la lecture d'un Kami Shibai, où c'est eux qui mènent l'enquête. Et puis à 16h30, un spectacle par Michel Kiefer, un des éditeurs et auteurs présents sur le salon, sur les contes et légendes alsaciennes. Le salon du livre aussi, il y a un cercle de lecture. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors le cercle de lecture, c'est une activité régulière de la MJC. Ce sont des adhérents qui se rencontrent tous les mois autour d'un livre qu'ils ont lu pendant le mois et autour duquel ils échangent. Et là, spécialement pour le salon du livre, tous les ans, le cercle de lecture fait une édition spéciale lors du salon du livre. Donc là, ce sera à 14h30 à la salle des fêtes. Et ils inviteront le gagnant du prix Malik. Le salon du livre, c'est donc le dimanche 2 février, salle des fêtes, avenue Jolin, de 10h à 18h. Et une information intéressante, bien sûr, c'est que l'entrée est libre, hein, toujours. L'entrée est libre, voilà. Et puis, il y a une petite buvette goûtée avec des pâtisseries, des boissons chaudes et froides, de possible. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Catherine, pour cette 11e édition du salon du livre ? Le beau temps et beaucoup de visiteurs. Et ben voilà, rendez-vous le 2 février. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.